Activité 6. 1. Et qu'est-ce que vous faites ce jour-là? Il y a un rituel spécial? Eh bien, le 31 décembre, c'est le réveillon. C'est la fête avec les amis. On mange, on boit, on danse, on s'amuse. À minuit, on s'embrasse sous le gui. On trinque avec du champagne en général. Les gens se souhaitent une bonne année. Et j'envoie des textos aux amis et à la famille. Deux. Vous faites quoi à cette occasion? Est-ce qu'il y a un rituel spécial? Ah, à la Saint-Valentin. Avec mon chéri, on sort le soir, on choisit un bon restaurant et on s'offre des petits cadeaux. L'année dernière, il m'a offert une bague et aussi mes chocolats préférés.